Ok. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. C'est plus accent of retourner que ville. Pour démalise le Rhin, mon ban à cause beaucoup. Moi, Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées, là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an. En dos, con el libro, con el cuchillo. Reyes per danza, sueta chunera. Hola, Gabon. Oh, Eunon. Bonjour, et vous êtes en train d'écouter Oulala. Si hemos vuelto desde unos meses sin estar por aquí, vamos a intentar hacer unos programas, una serie de programas Oulala para esta temporada. Y volvemos pues con la mejor noticia, pero haremos un programa pues sobre todo sobre François Aggirazzaro, que no, mito del punk rock alternativo francés, que nos dejó la semana pasada, creador del grupo Pigalle o Garçon Boucher, los chicos carniceros, y también de Boucherie Production, Carnicería Production. Pero como nos acercamos al 8 de marzo, no podíamos no empezar con canciones hechas, cantadas por mujeres. Y vamos a empezar con un temita de Carimouche, que hace un tema que se llama, este tema se llama Princesas, y dice: yo quiero alta costura, trénzame palabras cosidas a medidas, porque yo no soy tu chica, tu conchita, tu batwoman, tu chica que follar, tu quedada de Tinder, tu plan culo, tu chica a silbar. Y ahí os dejo escuchar. Ahí vamos a ir con Carimouche y Princesa. Ahí vamos. Princesse, ni ta charrette, ta charia. Je suis pas ta beurre, ta cota, la cause des attentats. Ta conchita, ta caïra, ta bobo, quinoa. Je suis pas ta bébé, ta archiblonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta batoumane qui va pondre. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la, la, la. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la, la, la. Je suis pas ta baisse, béga chouchou, ta cagole à chichi, ta canette de coca, ta causette à cocard, non. Je suis pas ton chien chaud à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. Je suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à dompter, ta demoiselle à siffler, ton demoiselle à boucler. Non, je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la, la, la. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi. Filha da rainha me chamou princesa. Isso é herança de família, eu sou sexo. Faço, desfaço, decido, refaço, refaço de novo e sempre sem, sem levando, sem estresse. Você é filha da rainha, também é princesa. Isso é herança de família, também sexo. Faça, refaça, desfaça de novo e sem, sem, sem, sem, sem, leve a vida sem estresse. Quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas? Chega aí, conta aí, conta aí, conta aí, quero ver. Onde de bombas? Vem me conta, malandro, quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas? Chega aí, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas? Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la, la, la. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, la, la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la. Carimush, en esta versión con Flavia Coelho, hay otra versión con más mujeres del mundo ahí, en árabe, bueno, en portugués también con Flavia Coelho, entonces, brasileira, y en japonés, creo, en otra versión así. Os recomiendo el videoclip porque entenderéis mucho más todavía y este de su disco que se llama Folie Berber, de, jugando con las palabras de Folie Berger, el cabaret de París, y ella como es berbera, ¿no? Berber, berbera del Atlas ahí de, pues eso, ha jugado con las palabras Folie Berber. Eso es Carimush y vamos a seguir con otro tema de muy, muy bueno, a mí me encanta, y de muy feminista, como tiene que ser en estos casos. Y además de un grupo que se llama Famous T, pues viene de Famous Trobairitz, que es una mezcla de occitano y inglés, que quiere decir como mujer trovadora. Y así, es un grupo formado por dos chicas, una más francesa, otra más brasileña también, occitana, del sur de Francia. Y eso con voces, pandeiros y acordeones. Y eso, muy, muy guapo, muy implicadas. Y la cosa también, que pasó hace un mes, más o menos, pues que se murió una de las dos cantantes también. Pero así va el tema,

ahora con François Agi Lazzaro, el músico multiinstrumentista, un personaje mítico de París, de toda la época rock alternativo de los 80, 90 y hasta hace una semana, vamos. Pero eso, de sus grupos, bueno, él ha actuado mucho en solo, en nombre, ¿no? Así solo, pero ha formado grupos como Pigalle, Garçon Boucher y de su primer grupo, vamos a decir oficial así, se llamó Los Carayos, que era tal vez considerado como un supergrupo, ¿no? Donde había el Schulz, que era cantante de Parabellum, el grupo, banda francesa, no la de aquí. Había el Manu Chao, el hermano de Manu Chao, el bajista de Van Pass, y otro trompetista que no me acuerdo su nombre. Bueno, que de esta banda la mitad se fue para la Mano Negra después. Pues este hombre fue actor también en muchas películas, claro, tenía un físico muy imponente, de unos, diría, 2 a 3 metros cúbicos, rapado ahí, y tenía una presencia muy brutal ahí. Y un hombre, pues, más que implicado políticamente. Y sobre todo con lo que creo, para poder producir sus propios discos, la Boucherie Production Carnicería Producción. Vale, vamos a poner un temita, el tema que tal vez sea, bueno, se ha hecho como también himno, se ha hecho canción mítica. La teníamos que pasar, ¿no? Y la pasamos al principio y así ya nos pasamos de ella. Pero es guapísima, ¿eh? La canción es dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Uf. Es en la sala del bar de la calle de los Martirios de París, que era en su momento, pues eso, un bar donde se actuaban y donde se encontraba todo tipo de gente, y lo cuenta en esta canción. De hay borrachos en la barra, hay mujeres de noche que esperan el día vendiendo placeres, el jefe, el patrón, tiene una escopeta para quien querría robarle. En las paredes de los baños hay palabras que hablan de sexo, de amor y de basuras. Así hay gente que no usan las cucharaditas para el café, ¿no? Hay droga a puñado. Y ahí nos cuenta lo que era este bar. Así que vamos con la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, Pigalle. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir. Par terre, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure. Ensemble, ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs,

Les carayos, los carayos, que claro que viene, sí, sí, de la palabra los carayo, de un gallego, ¿no? Portugués, carajo. Y pues vamos a seguir con otro tema que me gusta mucho de ellos y se llama Les Pages Rouges du Botin, que hicieron con el profesor Choron, que pues es todo un... una historia, este señor en Francia en los 80-90, ¿no? Que era el director del magazine Harakiri, un periódico más que satírico, muy, muy duro para algunos saber leer. Ahí vamos con Profesor Choron, Los Carayos y Les Pages Rouges du Botin. L'assassin fait un dur métier. Alors du crime il faut se lever. Et pour tuer prestement, voilà la meute qui saigne à blanc. Il étudie l'anatomie. Il sait pas où s'en va la vie. Et qu'on peut pas saigner la vieille. En lui tranchant le gros orteil. L'assassin doit se cultiver. Lire des revues spécialisées. Apprendre le geste du sommeur. Du sommeur qui sème la peur. Et que planter dans la poitrine. Le couteau ne prend pas racine. Mais qu'un couteau planté dans le dos devient un joli porte-manteau. Y'a assassin et assassin. Y'a la démoche qui la déviant. Se faire assassiner c'est rien. Si on tombe pas sur un sagouin, y'a assassin et assassin. Y'a la démoche qui la déviant. Pour trouver un bon assassin, voir les pages rouges du potin. La chair humaine c'est pas du lard. Le dépeçage est tout un art. L'assassin véritable artiste. Avec un doigt et deux pianistes. Ne découpe pas monsieur Dupont. Comment découpe le cochon. Pour obtenir de beaux jambons. Pour suivre le contour du caleçon. Y'a assassin et assassin. Y'a les moches, y'a les biens. Se faire assassiner c'est rien. Si on tombe pas sur un sagouin. Y'a assassin et assassin. Y'a les moches, y'a les biens. Pour trouver un bon assassin. Par les pages rouges du bottin. L'assassin est un gastronome. Il sait apprécier le jus d'homme. Chevalier du tasse-tasson. Il goûte dans une coupe en argent. Le sang d'adulte est goulayant. Il a de la robe, le sang de l'enfant. Rien pour son bon sang de bon sang. Quelle serait triste la vie sans sang. Y'a assassin et assassin. Y'a la démoche, y'a la déviant. Se faire assassiner c'est rien. Si on tombe pas sur un sagouin. Y'a assassin et assassin. Y'a la démoche, y'a la déviant. Pour trouver un bon assassin. Voir les pages rouges du bottin. Y'a assassin et assassin. Voir les pages rouges du bottin. Se faire assassiner c'est rien. Voir les pages rouges du bottin. Y'a assassin et assassin. Voir les pages rouges du bottin. Pour trouver un bon assassin. Voir les pages rouges du bottin. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et Profesor Choron y Los Carayos, Les Pages Rouges du Botin, que son las páginas rojas del no sé cómo se dice este, como las páginas amarillas, pero las páginas rojas, donde se encuentran los números de los asesinos. Ay, humor, humor. Ahí seguimos con François Adirazzaro y después de Los Carayos, un poco a la vez igual, empezó a formar el grupo Garçon Boucher, chicos carniceros. Y ya esto era más punk. We'll be right back. la guerre, et qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre, c'est comme si c'était mon frère. À la brèche, on bat ton calette, on va en fait héros et on pète. Ça fait mal à la tête le lendemain, mais on va remettre ça son fort. La guerre, la guerre, et qu'est-ce qu'elle a fait de moi la guerre? La guerre, la guerre, c'est comme si c'était mon frère. La guerre, moi ça me rend amoureux, et moi ça me réveille la conne. Mais si jamais je trouve pas musée, la cerveza que hizo de mí la cerveza, es como si fuera mi hermano. Así, así son los Garçons Bouchers, que pues eso, formaron este grupo en 86, y con esta voz, ¿no? Ahí, y peculiar también de Eric Blitz, y bueno, el François Agilazzaro, que llamaban el gordo François, le gros, François le gros, tipo un nombre de rey, ¿no? François le gros. Y pero de ahí lanzan pues eso, la producción Boucherie Production, carnicería producción, para autoproducir sus discos, porque claro, nadie quería producir este tipo de mezcla rock, folk, y hasta cosas ahí, cosas con tipo sonidos de electros, cajas rítmicas ahí. Y entonces, pues para poder producir y ir en contra de las mayores, ¿no? De las empresas, las multinacionales del disco, pues lucharon durante muchos años, hasta 2001, lograron luchar y autoproducir muchos grupos, tipo el primer disco de La Mano Negra, el Pachanca, fue producido para ellos, por ellos, Le Tétis Noir, Le El, muchos otros. Y pues seguimos con Garçons Bouchers, un tema del disco Una Mal Vieille, Hemos Envejecido Mal, y es la foto de un bebé. Y el vais a reconocer el tema, ahí va, solo que dice la lambada no nos gusta. Avec les garçons lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. En général, plus c'est con et plus ça marche à fond. C'est dur de se mettre au niveau, on va te choper un lavago. Et si par devant, on vous joue la lambada, en fait nous ce qu'on aime, c'est la java. Et comme dit Étienne, qui est plombier dans le 14ème, c'est ce qu'on aime, qu'on aime. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. On n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, no nos gusta, un tema completamente denunciador, ¿no? de las superproducciones, ahí enseñando la lambada como el ejemplo tipo de haciendo videoclips eróticos y una canción llevadera y ya, entonces dicen que prefieren la java, que es este tipo de música que se oye entre medios, ¿no? Que lo entrecortan dentro de este tema. Ay, les garçons bouchelos, chicos carniceros. Y pues también con su otro grupo, el que tenía Pigalle, ya yo diría más soft ahí, pero no tan menos implicado, pero más así, más ligero también según los temas, ¿no? Aunque vamos con uno que se llama la patata, que tener la patata en francés es una expresión que quiere decir como que pues hoy tengo la patata, tengo mucha energía, tengo una buena onda, estoy a tope. Y ahí eso nos dice en este tema de qué me pasa esta mañana, que tengo la patata, no sé por qué, porque el mundo se va a la mierda, pero yo estoy a tope. Bien, qu'est-ce que j'ai ce matin, quel friton, putain, mais j'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Mis à part les huissiers qui voudraient bien m'expulser, que je fais plus couiner la rombière, qu'on m'a coupé le crédit bière. Ben, à part ça, ça va. Ceci explique cela. Y'en a qui serait trop content si j'étais à agonisant. Qu'est-ce que c'est ce matin? Quel friton, putain! Mais j'ai une pêche d'enfer, ça va le faire. C'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Pourtant on ne peut pas dire qu'avec Bobon ça puisse être pire. Maintenant à la maison, elle ramène un coquin nouveau chaque semaine. Je vous parle même pas boulot. Je suis allergique depuis le berceau. On dit que je joue de malchance. Mais je joue pas, alors je comprends pas. Ce matin, quel friton, putain, ça devrait pas être permis par les temps qu'on vit. C'est la vie qui éclate, j'ai vraiment, la patate, en fait rien ne peut m'abattre, pas besoin de psychiatre, je suis un cas catastrophique, rien ne m'attend, c'est physique. Je lèguerai mon corps quand je serai mort à la faculté. Mais en attendant, j'ai la pêche et je mords dedans. C'est la vie qui éclate, j'ai vraiment la patate, c'est la vie qui éclate, j'ai vraiment. La patate, ahí, c'est la verdad que en este tema dice cuando estaré muerto daré mi cuerpo a la facultad. A ver, y pues este con Pigalle hizo varias cosas y empezó también a hacer películas, La cité des enfants perdus, por ejemplo, La ciudad de los niños perdidos, de Jean-Pierre Jeunet. Y otros segundos papeles así en varias películas. Muy, muy interesante, muy actor, muy peculiar. Y ahí seguimos en Ulala con François Girazzaro. Vamos a seguir con Pigalle y un tema que se llama La frontera. Y la historia de un douanier, ¿no? De un policía de frontera que impide a la gente pasar por la frontera para escaparse hacia países mejores. Pero al final él lo que quiere es hacer lo mismo. Chez nous, vivre c'est un calvaire, mais personne ne quitte cet enfer, on ne sort pas de nos frontières. Un jour, je vais quand même partir. Comme douanier, je connais toutes les combines pour y parvenir. Jusque-là, tortionnaire, j'empêchais les autres de sortir. Mais là, la frontière ne sera plus pour moi qu'un vague souvenir. Alors, j'oublierai le pire. Moi, je surveille la frontière comme un bon garde barrière. Je scrute été comme hiver. Je suis seul, heureusement. Et je laisserai juste ma petite maman. Faudra que j'arrive à tout oublier. Mais qu'est-ce que j'ai à oublier? Pas grand chose au fond. Juste mon nounours tout mignon. Pas grand chose au fond. La petite garce et ses tétons. Surveille la frontière comme un bon garde-barrière. Je scrute été comme hiver. Et si, en fait, là-bas, c'était pire que notre vieille terre. Encore plus de galères, encore plus de misère. Le doute a broyé ma détermination. Je resterai chien de garde, c'est ma mission. L'œil rivé aux barbelés de la nation. Des barbelés tortillonnés tout le long, comme de gros points d'interrogation. Moi je surveille la frontière comme un bon garde-barrière. Je scruterai encore été comme hiver. La frontière de Pigalle. Et pues eso, luego también se hizo sus discos un poco en solo, aunque nunca solo en el escenario, en nombre suyo propio. Hizo también, creo, dos discos para niños ahí. A saber que él en principio era profesor, no, institutor, profesor de las escuelas de los pequeños, y lo dejó para la música. Era Maishu, eso, ¿no? Y luego muy implicado, como decía, políticamente, ¿no? Ha estado en la NPA, que es como un nuevo partido. Nuevo partido anticapitalista, nuevo partido anticapitalista. Y ahí venía de familias también bastante luchadoras. Su padre era resistente en la ocupación de los nazis en Francia. La enviaron a Mauthausen, en el campo de concentración. Y, todo lo que conlleva todo eso. Vamos a ir con últimos temas ahí para despedirnos ya, sí. Y un poco de más alegre. Un tema del disco que se llama Esique, de François G. Lazzaro, con su nombre propio el tema, muy conocida, es una versión de Gigi. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer et à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sam à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait, arriva Gigi Namoroso, croque l'amour, l'œil de l'eau, là comme une caresse. Gigi Namoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête qui chantait, Zazaro una cacchese, au sol mio. Gigi Guiseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel qui ne portait plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Une belle américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les Caruso. serré, ému par ce grand départ. Autant qu'on était fiers, qui dépasse nos frontières. Si tu partais conquérir la mairie, et quand il arriva, le village était là. Il a devant la foule, il a chanté, il a chanté. Quand le train eut disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four, la femme du notaire par désespoir et quelques amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. Il a fallu du grand pour continuer sans lui, et malgré son absence. Mais lui, dans le silence, il y avait encore la jolie mélodie. Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, œil de velours, croqueur d'amour, le velours, comme une crème, comme une... Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Tu pleures, Gigi, ça n'a pas été là-bas. Ah, mais qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist? Ah, Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, là, Gigi l'Americano? Hein? E vicino due Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini. Tu es napolitain? Écoute, Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Sandré est là aussi. Tu les entends, Gigi? Tu les entends, ils sont tous là. Y'a même Giorgio, le fils maudit, qui est venu du sud de l'Italie. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante, c'est ton public. Chante, plus, chante, Gigi, chante. Partout c'était la fête, qui chantait Zaza, on a capté au sol et mignon. Chante, Gigi, chante, chante, chante. El Gigi l'amoroso. Ahí va a acabar nuestro programa de hoy. Vamos a volver con los carayos. El tema se llama Juanita y Paquita. El tema más castellanizado que he encontrado cantando en los carayos. Cantaban entre Manu Chao, entre él y Schulz, que era el cantante también, guitarrista muy bueno de Parabellum. Y pues eso, nos despedimos de Ulala de esta primera vuelta. Irola Irratia 107.5 FM y irratia.org y en archive.org también, ¿no? Para descargar todo lo que queráis. Todo es libre aquí. Ahí vamos con los carayos, Juanita y Paquita. Ahí vamos a tomar algo en su recuerdo de este señor. Ahí a la próxima. Y cuidado a todo lo que viene de la derecha. Sorriso chipirones, una caña por favor con calamares, agua minerale con gas vino tinto, ración de tortilla, un avocario, zumo de naranja, queso con sardinas, jamón, agua, ardiente, patatas bravas, queso, salsicha, cerveza y turrón, hola refe, una ración de salsichón. Juanita, Paquita, Juanita, Paquita. amor, Juanita, mi corazón.